cœur à main parce que mal est mien, mon Dieu est à Tout-Puissant. Notre Père Céleste, bienveillant. Père de bonté, Père de gloire. Dieu de miséricorde. Dieu parfait. Nous t'adorons. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Nous sanctifions ton nom. Parce qu'il est incomparable. C'est ce privilège qu'il nous donne ce soir. Et l'opportunité qu'il nous donne. Que nous puissions être écoutés par lui. Nous avons la possibilité de lui parler. Et il est disposé à nous écouter. Car il a dit dans sa parole. Si nous demandons quoi que ce soit, selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et quelle que soit la chose que nous demandons, nous avons aussi l'assurance de posséder la chose. Père Céleste, stimule notre foi, soutiens-la pour qu'elle ne défaille pas, qu'elle soit si forte et si convaincante. Père Céleste, prends nos âmes entre ta main, taille-nous chacun au Père, taille-nous à l'image de Jésus. Fais nous ressembler à Dieu lui-même. Nous voulons refléter ta divinité et que les images de la honte, du péché soient éloignées de chacun de nous. Que notre réputation soit corrigée et tu guérisses nos hommes intérieurs, l'âme au-dedans de nous, qu'elle soit guérie, ressuscitée pour vivre selon Dieu. Parle à chacun de nous pendant ce serment. Du double jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Bible. Matthieu, chapitre 17. Le verset 10 à 11. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Luc chapitre 1. Le verset 1 et 2. Verset 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Batomingi basilinde komeka kosembo la lisa ponantina na makambo mabima kikati na biso. lokola ba oyo ba monaki na miso na bango longwa na ibandeli ba oyo ba komi basali na liloba ba pesaki biso yango bongo Théophile moto na lokumu isila kingayi koluka lukantina na makambo o nyonso longwa na liboso penza ngai pe na kanisi malamu ete na komela yo mukanda oyo nyonso buyi okoyeba soki makambo malakisami yo mazali bongo solo. Nous allons dans Joël chapitre 1er. Le verset 3. Joël chapitre 1er, verset 3. Racontez-les à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Boye bisabana na binom po na yango. Kika ete bana na binom, baye bisampe bana na bango, mpe bana na bango libota mususe koya. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et puis vous asseoir au nom du Seigneur Jésus Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue ici à la table du Seigneur. Et que le bonheur de la maison de Dieu soit le partage de chacun de nous. Que Dieu nous fasse grâce pendant que nous sommes ensemble d'être bénis ensemble, d'être édifiés et d'être exaucés. Cela est notre prière. Et nous croyons par la grâce de Dieu que nous sommes soutenus par lui. Parce que le Seigneur travaillait avec ses disciples au commencement. Il a promis de travailler avec nous jusqu'à la fin. Parce qu'il est fidèle. Que Dieu soit loué. Alors, nous poursuivons notre méditation autour des témoins de la première commission de William Branham. Nous semblons fixés sur un point, mais pourtant, nous avançons. Pas à pas. Nous avançons pas à pas. Dans notre examen du jour où l'événement en question s'était produit. Et nous sommes en train de dire et d'établir clairement que l'événement était un phénomène et qu'il a bel et bien eu lieu. Le photographe avait pris des photos. Et ces photos existent jusqu'à présent. Un journal local, le Héros de Louisville, avait publié cela. Et un journal canadien aussi avait publié cela. Dieu était venu effectivement parler à son prophète William Branham. Lui donnant la plus importante commission. Et Dieu a veillé à ce qu'il le fasse en public. Et que le nombre de témoins soit compté par milliers. De sorte que lorsque le jugement de cette génération interviendra, lorsque le jugement de cet âge de l'Église interviendra, les humains seront inexcusables. Les hommes de cette époque seront impardonnables. Parce que quand Dieu a appelé Moïse, c'était dans un buisson. Il n'y avait personne là-bas. Mais Dieu a fait de lui un prophète, un grand prophète, puissant en parole et en œuvre. Et il est devenu comme un monument dans la religion d'Israël. Donc, si quelqu'un célèbre ou qui se dit serviteur de Dieu, il veut contredire Moïse. On les lapide. Parce que toutes les espérances étaient placées. C'était le plus grand prophète d'Israël. Il leur a donné les 10 commandements. Reçus de la bouche même de Dieu. Et Dieu lui-même a distingué Moïse. Il n'est pas comme les autres prophètes. Il aurait parmi. Mais à Moïse, je parle sans énigme. Je lui parle bouche à bouche. Et il voit une représentation de l'Éternel. Mais chaque fois que Dieu appelait Moïse pour les rencontrer, il demandait souvent au peuple de rester dans l'éloignement. Il pouvait voir quelque chose, ça ne fait que de loin. Parfois, il a pris Nadab et Abihu. Il était autorisé par Dieu à monter avec Moïse. Là, dans Exode 24. Mais ça n'arrivait pas tous les jours. Des fois, il est allé avec Josué seul. Mais ça ne venait pas tous les jours. La plupart du temps, Moïse partait seul. Dans ce temps, Dieu venir manifester ça. Devant des milliers de gens. L'ange descendant visiblement. S'arrêtant au-dessus de William Branham. Proclamant des paroles divines à ses hommes. Donnant la commission à 14h. Visiblement sous le soleil. Après avoir dit ça, il commence encore le mouvement. Il traverse le pont. Il monte au-dessus du pont. Il traverse la rivière. Il prend la direction de l'ouest. Et il retourne au ciel à la vie de tous. Frère, vivre un tel événement. Imaginez-vous bien. Je me suis dit, Seigneur, aide-nous. Un tel événement. Imaginez pour que vous soyez témoin oculaire. Donc, faisant de Dieu une réalité palpable. L'ange descendant dans le tourbillon, en forme d'une étoile. Très belle. Forte lumière brillante. Pêchant. Les uns s'évanouissent. Les tombent dans l'adoration. Et les autres se questionnent. Qu'est-ce que c'est? Mais il parle alors. Pas un rêve. Mais dans la réalité comme ceci. Sous le soleil. Et puis il se déplace. Monte au-dessus du pont. On le voit repartir. Dans la direction du soleil couchant. Il monte. Et il est venu juste dire. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ. Je t'envoie avec un message pour le monde entier qui annoncera et préparera la seconde venue de Christ. Dieu a parlé. C'est fini. Et les témoins sont des milliers de gens. Mais il se fait que le jour, dans nos mémoires, c'est le jour maintenant qui semble un peu être multiple. L'année ne pose pas problème, c'est clair, tous les témoins, commencez par ce bonhomme lui-même, et même ceux qui rapportent les événements, disent que c'est 1930. Et le mois, c'est toujours le mois de juin. Sans appel, on a cité le mois d'août, mais le prophète s'est corrigé aussi. L'heure, c'est 14h. Partout, 14h ou 2h. C'est les jours. Où nous voyons que pendant des années, même vous et moi, nous sommes habitués et nous savons que c'est le 11 juin. C'est pas vrai? C'est une date historique pour nous. Lorsque le bureau de mission de Semipar a été inauguré. Tango, c'était à quelle date? Tango, le 11 juin 2011. Tango yesika ya musala o ya semipar to baibanda kete baba nda kosala musala ezala kinde na mukolazo mina moko sanza motoba mubuya koto ibanda na masonerie du tabernacle chrétien devait commencer Tangu tolingaki ko banda misale ya kotonga mungomo na bakisa. On pose brique sur brique. Matie. C'était à quelle date? Izala ki na mukolo. Le 11 juin 2021. Izala ki ne na mukolo ya zomi na moko sanza motoba koto mibale tumbale na moko. C'est une date historique même dans la marche de l'église. Izala ya tak mukolo oyo ya masolo penza tak na ninge kele joyi kotambola. Il y a des choses que nous avons apprises parce que ça nous a toujours été raconté comme ça. Voyez bien za kana makamu mususu toye kolaka yango pwete. Nous message, on a entendu, on le disait toujours comme ça. Peut-être sans soupçonner les gens, on ne pouvait même pas se poser une question. On a fait aussi comme ça parce qu'il est écrit, racontez-les à vos enfants, et que vos enfants aussi les racontent à d'autres. Il y a des choses qu'on a toujours racontées dans l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas les premiers, depuis l'histoire du temps, ça a souvent été ça. Zokande na musala nzambe zali bobele biso awate kasi na musala banda utakala ezali lokole komamiete boloba yango na bana na bino bana na bino pe baloba na bana na bango pe na bana na bana na bango eji ezali bobele il vient de fois des moments où vous vous arrêtez un peu pour examiner la chose et comme akapeta ngo oyo telemina olandela nandi kambo car c'est Dieu qui conduit merveilleusement ces saints mpete nzambe na zali okamba ndenge longo bani pe quand nous avons commencé à examiner ça tanto banyina nkolandela likambo ngo il se pose maintenant un problème. Comment c'est des choses que nous avons toujours racontées. Nous avons raconté ça fait des décennies et des décennies. Il se fait que la date du 11 juin, frère Branham ne l'a jamais communiqué. Et il a jamais parlé. Le 11 juin 1933. Mais d'où est venu cette date? Et où tu as qui en a parlé? Mais non, bakango. Comment se fait-il que elle est propagée dans le milieu du message, c'est connu. Et il n'y a pas ici. Les assemblées dans le monde entier. Tout le monde presque sait que c'est le 11 juin. Bah, tu n'as pas dit, on l'a dit, on l'a dit, c'est le 11. J'ai plein de preuves ici. Nazali n'a pas dit, mais quand frère Branham lui-même parle, bon, l'année ne pose pas de problème. Les mois ne posent pas de problème. L'heure ne pose pas de problème. Mais les jours, la date, il a pas. Vous vous rappelez? Et c'est ce que nous sommes en train d'examiner. Alors, la date, qui l'avance? La date que lui avance. Il a donné, premièrement, le 16 août 1933, dans une prédication que nous avons lue, dimanche, et aussitôt il a corrigé pour dire, non, pas les 16, il dit, le 16 juin 1933. Ce qui fait que bien que cette date du 16 août figure dans une citation, dans une brochure, elle est déjà annulée. Oh, est-ce pas? Parce que lui-même a corrigé, dit non, plutôt, je vais dire le 16 juin. Aussitôt qu'il a sorti, il s'est rendu compte que ce n'était pas ça, il a annulé. Il nous reste avec la date du 16. Maintenant, dans une autre brochure que je vous ai lue, toujours dimanche. Na, c'est un procès. Et je suis revenu mercredi en lisant ça en anglais. Et na zonga ki mukolo ya musala bisatu na kotanga ka yango na English. Il dit entre le 16 ou le 18 juin. Alobi, izali neti mukolo ya zomi na motoba to zomi na mwambe. En lisant cela. Na kolobe bongo. Il met encore en doute la date du 16 juin. Et nous retenons quelle date? 18 juin 1963. 1933, je vais dire. Donc, l'erreur verbale peut arriver à tout le monde. Il peut dire une chose et puis changer. Quand on le dit par mémoire. 18 juin. Maintenant, hier, je vous ai lu dans une prédication. Ici même, une autre date que lui a avancé toujours au mois de juin. C'était dans le sermon Aller réveiller Jésus. Le 30 novembre 1963. Au paragraphe 93. Je prends juste la phrase qui concerne ça. Il dit, cette colonne de feu est venue là. Tourbillonnant dans les cibles clés à 14 heures le 15 juin. Descendant droit des cieux comme cela. Le 15 juin. Mukolo ya zomi na mitano. Il parle du 15 juin 1933. Qui était un jeudi de la semaine. Le 15 juin. Sommes-nous là? Et alors, dans une autre prédication, intitulée « Être persévérant ». Prêché le 23 juin 1962. Au paragraphe 124. Frère Branham dit ceci. Il y a une attraction par derrière ici. Priez, priez simplement pour moi. Voyez-vous, peut-être que c'est dans l'assistance par ici. Notre temps, ce sera bien ce soir. Les choses se mettent bien vite en place. J'aime cela. Oh, vous ne savez pas comment je me sens. À propos, avez-vous déjà acheté votre photo de cela? Combien ont déjà vu la photo de cet ange du Seigneur? Ils sont là au fond. Vous pouvez l'obtenir. Il a été pris par ici. Et ça se trouve à Washington D.C. Dans la salle des arts. Des arts religieux. Le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié. Une colonne de feu. Il y a des années, lorsque j'étais un jeune homme, pendant que j'ai baptisé à la rivière ce jour-là, juste après mon premier message dans l'église missionnaire baptiste, j'étais en train de baptiser 500 personnes. Et cet après-midi-là, en juin 1933, en juin, tu peux maintenant, le traducteur ici dit, c'était presque la 15e. C'est comme ça que le traducteur traduit. C'était presque la 15e. Et c'est la traduction de Shekina publication. C'était presque la 15e. Cette colonne de feu est apparue là, tourbillonnant, venant dessus. C'était un bel après-midi ensoleillé. Et de la colonne de feu est sortie directement une voix. Et cela secoua toute la contrée avoisinante par là. Et elle a dit, c'est même que Jean-Baptiste est envoyé pour préparer la première venue de Christ. Ton message préparera la seconde venue. Eh bien, cela a déclenché un réveil immédiatement après. Et cela est allé partout. À travers toutes les nations et partout dans le monde, le réveil pentecôtiste. Et c'est ce qui est arrivé la seconde venue de Christ. C'est ce qui est arrivé. Nous sommes là le 23 juin 1962. C'était environ 8 mois avant que la nuée de gloire n'apparaisse le 28 février 1962. 63 et que les frères falsificateurs appellent la seconde venue de Christ. Ils ont acquis sans abotoba, liboso été. Ni patena kembo kokana komuni sama na mukolo ya tukumi bale na mambe sanza ya misatu mubu ya kotoko kokama libatu kumotoba na misatu oyo bandeko oyo babebi sakamakambu bazaliko biangete ndebo yeyi ya mibale na Kristo. Donc quand frère Branham dit ceci, tangonde ko Branham bazaliko babo, et c'est ce qui est arrivé, la seconde venue de Christ, boye ya mibale na Kristo. Donc voyez, omoni la nuée de gloire n'était pas encore venue, tango ya likamboyo ipatena tembo na yakati. Mais il dit, c'est ce qui est arrivé, la seconde venue de Christ. Les sept sceaux n'étaient pas encore ouverts. L'événement n'était pas encore clairement révélé. Okay. C'est ainsi que quand nous lisons le message, nous ne devons pas y prêter nos intentions. Parce que quelqu'un peut juste lire ça. Oui. Oui. Voyez, frère Branham, oui. Oui. Et c'est ce qui est arrivé, oui. La seconde venue de Christ. Oui. Donc, frère Branham dit que la seconde venue de Christ est déjà arrivée. Oui. Bon, maintenant, la question qu'on va poser à celui-là qui oui. interpréterait oui. bon. Cette seconde venue-là qui serait arrivée ici, oui. ça se référait à quel événement? Dans le parcours du ministère des prophètes. Parce que jusque-là, oui. la nuée de gloire n'était pas encore faite. Mais Branham dit que c'est ce qui est arrivé, la seconde venue de Christ. Si c'est ça la pensée, il faut retenir, apprécier. Mais ce serait en rapport avec quel événement qui s'est produit de 1933 jusqu'en juin 1962, ici où il parle. Il s'agit de la préparation de la seconde venue de Christ. C'est la pensée qu'il présente. Mais le mot préparation est contenu dans les paroles de la commission de l'ange qui est rappelée. Mais quand il termine le paragraphe, il dit, c'est ce qui est arrivé, la seconde venue de Christ, un falsificateur va prendre et finir, voyez. Et si vous ne croyez pas, vous êtes incrédule, c'est que la seconde venue a déjà eu lieu. Et puis, trois ans plus tard, en 1965, il continue à attendre la seconde venue de Christ. Le message doit être présenté correctement pour qu'il soit reconnu comme étant la vérité. Mais on ne doit pas commencer à falsifier des choses pour fabriquer une vérité intellectuelle et aller propager ça auprès des gens. Nous serions alors de faux témoins. Disons les choses vraies sur le fondement de la Bible. Amen. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'ici même dans ce paragraphe ici, le traducteur a dit c'était presque la 15e. Or, le texte en anglais, cette phrase-là que eux ont traduit comme cela, ça dit ceci, about the 15th. En réalité, en disant en juin 1933, en juin, about the 15th. Donc, autour du 15, ce n'était pas, quand on traduit comme ça, c'est mal traduit. Donc, quand il dit, c'était presque la 15e, 15e quoi, 15e personne ou quoi? Il s'agit de autour du 15, du 15e jour. C'était presque la 15e quoi. La 15e quoi? Et puis on met ça au féminin. C'était presque la 15e. Donc, les traducteurs, c'est encore d'autres personnes qui ajoutent des fois de confusion. Là où on a déjà un problème, les problèmes sont encore nous mettre dans la bouche. Que Dieu soit miséricordieux. Mais si je prie cette citation, c'est pour vous montrer que le cas du frère Branham là, dans ce sermon, être persévérant, en termes du jour de l'événement, la coïncide avec ce qu'il avait dit dans le sermon, allait réveiller Jésus. J'étais prêché en 1963, au mois de novembre. Là aussi, il avait dit le 15. Le 15 juin. Ok, nous avons ici vous allez avoir. La date du 15 qu'on revient deux fois dans deux citations. Maintenant, quand vous considérez de manière générale, si il faut de considérer ce que les autres témoins peuvent écrire et dire, mais prendre que ce que le prophète lui-même a dit, vous allez découvrir ceci. La date dont le frère Branham parle, c'est le 18 juin. Il était un dimanche. Et la date du 15 ici qu'il donne ne pouvait pas être exact parce que le 15 juin était un jeudi, mais le service du baptême en question avait lieu un dimanche. Mukolo oyo ya zomi na mitano azali koloba ekokite kosale mabongo pwete mukolo yango ezalaki nde mukolo ya musala ya minei nzoka nde musala na libatisi esalamaki nde na mukolo na lomingo. Alors si nous avons un jour qui est donné, nous vérifions sur le calendrier soki ezala mukolo epesami tolandeli nano na etangeli na mikolo pour savoir de quel jour il s'agissait, mpona koyeba ete mukolo yango ezali mukolo nini, mukolo nini ya poso, parce qu'il faut établir les choses clairement mpwete esengeli kotyama lorsqu'elles sont passées sous examen soki tozali kolandela yango mpona konongo qui dit amen nani alobi ete ezali bobele bongo là c'est en fait wana ezali likambo. Mais maintenant nos frères ont donné les témoignages, ça fait puis bandeko na biso bapesaki pe matatoli. J'aimerais lire ici dans les témoignages dans un livre qui est écrit, qui est apparu en 2014 ici. C'était intitulé Surnaturel, la vie de William Branham. Le frère qui a écrit, c'est mon frère Owen Jorgensen. Dans le premier volume, à la page 95 à 99. Je vais prendre un extrait. Chapitre 13. Dans le chapitre 13, il est dit, l'étoile mystérieuse réapparaît. Trédino 1933. C'est sous le titre, la chapitre 13, l'étoile mystérieuse réapparaît. Et dit frère Owen, hein? À la page 92 et 93, il dit ceci. Je l'écris avec moi. En juin 1933, Billy loua un grand chapiteau qui fut monté sur un lotissement vacant à Jeffersonville. Billy, c'est frère Branham. Billy, En juin 1933, Billy loua un grand chapiteau qui fut monté sur un lotissement vacant à Jeffersonville. Projetant d'y tenir les réunions de réveil pendant deux semaines. Le dimanche précédent ces réunions, comme il s'est préparé pour l'école du dimanche au Masonic Hall, il tomba en transe comme jamais auparavant. Il vit le monde s'étendre comme une nappe devant ses yeux. Et c'était comme s'il était connecté d'une certaine manière au temps qui s'écoulait. Et c'est à l'occasion là qu'il a eu les sept signes, les sept visions du temps de la fin, dont nous avons parlé aussi en partie et que vous connaissez. Parmi lesquels il y a même la prophétie sur la femme qui prendra le pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que ce récit ici dit? En juin, il a loué un chapiteau. Ce premier réunion de réveil. Miséricorde. Sur un lotissement vacant là-bas à défectionner. Et le programme était de tenir des réunions pendant deux semaines. Alors, le dimanche qui a précédé ces deux semaines. Donc le dimanche, comme si les réunions de réveil devaient commencer demain lundi. Le dimanche d'aujourd'hui, au mois de juin, c'est alors que le frère Branham est entré en transe et il va voir les sept visions du temps de la fin. Il est entré dans une forte transe et ses yeux ont défilé devant lui. Et événement après événement, avec des voix qu'il entendait d'Israël. Êtes-vous là? Ok. Oui. En accord avec cette annonce ici, que le biographiste ici écrit, je me réjouis de lire dans la prédication la voix d'ici. Prêchez la parole de Dieu. Prêchez le mars 1964. Traduction de la voix de Dieu. Le paragraphe 113. Dans mon carnet, ça c'est le Branham qui parle. C'est pas un contemporain. Hein? Oui, rapporteur, mais c'est lui-même. Dans mon carnet où je consigne mes notes. En 1933, un matin où je m'apprêtais pour aller à l'école du dimanche de l'église baptiste où j'étais pasteur. Le Saint-Esprit est descendu et m'a montré le temps de la fin. Et il m'a montré cette chose qui arriverait. Je les ai notées. J'ai noté sur du vieux papier jauni. Les témoignages concordent, n'est-ce pas? Entre frère Owen Jorgensen, et qu'il écrit dans son livre de biographie là, et ce qu'a dit frère Branham lui-même, il s'apprêtait à aller à l'école des dimanche. Donc les sept signes du temps de la fin ont été vus au mois de juin, non pas n'importe quel jour, mais un dimanche. Est-ce que nous sommes là? Quand nous allons également dans l'exposé des sept sceaux, vous verrez que le langage qu'utilise frère Branham est pareil, c'est similaire. L'exposé de cet âge de l'église, je vais dire. L'exposé de cet âge de l'église. Que dit-il, frère Branham? À la page 321. Le deuxième paragraphe. Il dit ceci. Cette vision, je prends juste une phrase. Cette vision de première importance qui se sont succédées devant moi un dimanche matin en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche. Mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés. Et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. Ça concorde, n'est-ce pas? Dans la voix d'ici, et dans l'exposé de cet âge de l'église, c'était un dimanche matin. Le programme s'apprêtait à aller à l'école des dimanches, non pas du Branham Tabernacle, mais de l'église baptiste, là où il était pasteur. Mais frère Owen, Jorgensen, il dit ça. Pendant qu'il partait comme ça à l'école des dimanches, il avait déjà loué un grand chapiteau où devait se tenir des réunions de réveil pendant combien de semaines? Nous sommes au mois de juin 1933. Maintenant, en comparant dans le calendrier le récit de frère Owen ici, il s'avère que les sept visions, admettons qu'elles ont été vues le dimanche matin, 4 juin 1933, parce que c'était là le premier dimanche du mois de juin. Mais le prophète devait tenir le réunion de réveil pendant des semaines. Et il a vu les sept visions, les sept le dimanche qui a précédé le début du réunion de réveil. Est-ce que jusque-là tout le monde suit? Très bien. Malam. Nous avançons petit à petit dans notre examination. Ok. Malam. Nous admettons que les sept visions ont été vues le dimanche 4 juin 1930. Et donc les réunions de réveil étaient supposées avoir commencé le lundi 5 juin. 5 jours. Et en partant de ce lundi-là, le dimanche qui a suivi le 5 juin, c'était le dimanche 11 juin. Nabongo, nakolanda bongo, lokola, mukolo ya lomingo, vimono ne lemona naki, ezaki, mukolo ya lomingo, mukolo ya minei, sanza motoba. Mais si nous accordons que le délai était de 2 semaines, pour les réunions de réveil, et que ça devait finir le dimanche 18. Et c'est là que ça allait totaliser 2 semaines. Et que le dimanche 18 juin, c'était le dernier jour de la série des réunions de réveil de 2 semaines. Et maintenant, avançons avec les témoignages de frère Owen. La surnaturelle, la vie de William Branham. À la page 95. Inspiré par ses visions. Billy prêcha de tout son cœur. Le premier soir de ses réunions de réveil sous tente. Le premier soir, ça vous fait quel jour? Le lundi 5. La première réunion n'a pas eu lieu un matin. comme pour dire que c'était un dimanche, mais c'était un lundi. On a commencé en semaine et on a terminé un dimanche. Na bongo, babanda kinde kati na poso pomba si bisa mukolo na lomingo babanda kinde mukolo musalamu. Inspiré par ses visions. Pour ça mes pensées na bimono ni. Il prêcha de tout son cœur le premier soir de ses réunions de réveil tout temps. Nete bini a teki na machama na yemu bimba. Poko ya liboso ya makita o ezaraki na sa na ema. Même s'il avait toujours besoin de hop pour lire à haute voix son texte dans la Bible. Atako tamu ezaraki tamu nyonso na posta ya hop de voix tanga maloba o ezaraki kati na Biblia na mungongo makasi. Cela ne l'empêcha pas de se concentrer sur son sermon. Et lorsqu'il exhorta la foule à accepter la grâce salvatrice de Jésus-Christ, les soirs suivants, ainsi que tous les autres soirs, l'attente s'est remplie de plus en plus. Voilà, ça, c'est... Au service du dernier dimanche matin, Namusala oyo ya Deux semaines après avoir débuté les réunions de réveil. Deux semaines après avoir vu les sept visions, les sept signes du temps de la fin. Alors, au service du dernier dimanche matin. Deux semaines plus tard. Billy prêcha à plus de 1000 âmes. Et il y a et il demanda combien de gens voulaient être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et plus de 200 personnes s'avançaient. Le service se termina à la rivière Ohio. Mais voici d'où commencent les problèmes. C'était le 11 juin 1933. Voyez-vous d'où commence le problème? Non pas que Frère Branham a dit que c'était le 11 juin 1933, mais ce sont les rapporteurs. Lui-même dit que le chapiteau était loué en juin 1933. Et les réunions de réveil se sont effectivement tenues pendant deux semaines. Mais avant les 2 semaines, le dimanche précédent, Abraham a eu les 7 visions du temps de la mort. Mais le service de baptême a eu lieu 2 semaines après le début des réunions de réveil. Et le tout est concentré au mois de juin. Le calendrier est avec vous, je crois. Si le projecteur fonctionnait, j'allais prendre l'image, donner la technique, la capture d'écran du calendrier de 1933. Ce calendrier de cette année-là et aussi la capture que je fais du mois de juin 1933. Vous allez voir tout clairement. Donc, ici nous avons 2 hypothèses. Si effectivement le service là s'est terminé le 11 juin 1933, Alors les réunions de réveil n'ont pas duré 2 semaines, mais 1 semaine. Na bongo tokoloba ete makita oya bolamuki esalama esalaki poso mibale teka poso moko. Deuxième hypothèse. Si par mégarde, soki na kosanga bokebi, le 11 juin est exact ici. Ete mukola zomi na moko sanga motoba ezali bongo awo. C'est qu'alors l'allocation du chapiteau n'était pas intervenu au mois de juin 1933, mais c'était à la fin du mois de mai, pour que le service ait duré alors 2 semaines. Tout le monde me suit? Nous examinons ce sont les affaires de notre Père. Et nos frères ont écrit. Nous ne voulons soupçonner personne. Mais nous constatons ce que j'ai écrit. Donc il y a des fois d'examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Il dit bien que le service a duré 2 semaines. Ok. C'était le 11 juin 1933. À 2h de l'après-midi, plus de 1000 personnes se rassemblèrent sur les berges de la rivière Ohio. Au bout de la rue Spring, la terre couchée sous un ciel sans nuage. Il n'y avait pas le moindre souffle d'air pour rafraîchir les gens pendant qu'ils chantaient. Au bord du Jourdain, je me tiens et mes yeux se portent au loin. Je vois là-bas mon cana, terre de mon trésor. Je vais à la terre promise. Voilà. Le problème est posé. J'espère que si chacun de vous est attentif, il voit clairement d'où commence le problème. On avance une date qui n'est pas dans les citations du prophète. Et cette date est répandue dans le monde entier. Nous aimerions bien qu'elle soit vraie. Surtout qu'elle est historique pour nous. Voyez-vous la marche? Nous souhaiterions vraiment qu'elle soit vraie. Voyons, ça c'est frère Owen. On reviendra à lui un peu plus tard. Mais il y a un autre rapporteur, un autre biographiste. Le frère Daniel Chiron. Il a écrit un livre, une biographie intitulée William Branham, un grand trésor dans un vase de terre. Imprimé le 15 septembre 1988. Au chapitre 2, page 13. Déjà là, en 1988, frère Owen, c'est 2014, il n'y a pas longtemps. Alors, dans cette page, la 13 au chapitre 2, il met un sous-titre. La réunion des baptêmes dans l'Ohio du 11 juin 1933. Alobi di kita oyo esalamaki ya libatisi na ebale na owayo na mukolazo na makosanza motoba mubu ya koto makon kamali botu misato. La lumière est l'ordre de mission. La lumière est l'ordre de mission. L'ordre de mission, c'est ce que nous appelons la commission. Lui, il a titré là. 1988. La réunion du baptême dans l'Ohio. Mais il met la date du 11 juin. Il mentionne la lumière et l'ordre de mission. Et il va citer Frère Branham. Bien sûr, dans les citations, il n'y a pas la date du 11 juin. Il y a une référence de certains événements pour rassembler et dire que tout ça a eu lieu le 11 juin. Mais c'est lui qui dit le 11 juin, c'est pas Frère Branham qui dit le 11 juin. Alors il a pris des extraits. De la prédication, le livre de Josué est comparable, l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Et il a puisé aussi dans le livre de un William Branham, un homme envoyé de Dieu. Gordon Lindsay. C'est l'un des frères aussi, des contemporains de Frère Branham, de l'époque, qui avait aussi écrit sur les événements du ministère de Frère Branham. Ils allaient de copé ou à Komaki, Nathan de Branham, Azaraki, et Azaraki, Anande, à Komaki, Namakamu, et Taraki, Lotomo. Et il s'est référé aussi dans Footprints. Donc les empreintes des pas. Et aussi de la prédication, comment l'ange est venu à moi et sa commission. 1955. Et aussi, il a pris la prédication, l'absolue, du 30 juin et du 30 décembre 1962 que nous avons eu. Et encore, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et encore, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et enfin, Élie et l'offrande de farine. Que nous avons lu ici mercredi. Alors, c'est toutes ces références-là dans lesquelles il puise pour habiller ou mettre un contenu à son sous-titre ici. Donc il a pris des extraits qu'il a mis ensemble et c'est justement là. Donc toutes les références que je viens de citer, c'est la porte à ton paragraphe dans lequel il écrit ceci. J'ai baptisé mes premiers convertis dans la rivière, dans le fleuve Ohio. Na banda ki kopesa ni batisi na ba oyo ba bongola ki motema et à la 17e personne je dis na muto azomi na sambona lobi fait tandis que je baptise d'eau dans l'eau toi tu le baptises de Saint-Esprit. Na kolanga na zali kopesa ni batisi na mai yo kopesa ni batisi mulimu santu. Alors William Marion Branham entendit alors une petite voix lui dire à trois reprises lève les yeux. Na bongo William Branham ayoka ki mungongo moko ya muke kolobaka ye na mbala misato anete tombola misu. Et juste alors, il lui a semblé que le ciel se déchirait en un endroit. Et un tourbillon est descendu dessus avec cette lumière brillante. Des milliers de gens se tenaient sur la rive. Et il était 10 heures de l'après-midi au mois de juin. Et cette lumière s'est tenue juste au-dessus de là où j'étais, puis cette étoile est repartie vers le ciel. Et une voix a parlé. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, il a reçu un message qui annoncera la préparation de la seconde venue de Christ. Et le frère Daniel Chiron ouvre une parenthèse pour faire un commentaire personnel. William Branham a parfois donné au cours de ses prédications des variantes de ce texte. Et William Branham a pesa ki na maloba na ye ndenge pesa melaki lolenga na lolenga. Où il rappelle le plus souvent que c'est le message qui préparera la seconde venue de Christ. Où ezali kozonga la mbala mingi na kotali chef ezali ndesango o ezali ndeko bongisa kande boye ya mbale na Christ. Il ferme la parenthèse. Akangi maboko. Et continue à citer frère Branham. Pe ezali kokoba na kotali chef Branham. Cela m'a effrayé. J'ai baptisé 200 à 300 personnes cet après-midi-là. Et quand je suis ressorti dans l'eau, les diacres et les autres m'ont demandé qu'est-ce que signifie cette lumière. Il y avait là beaucoup de gens de couleur de l'église baptiste de Gilède. Et de l'église Lone Star. Et beaucoup de ceux qui étaient là se sont mis à crier quand ils ont vu cela. Et donc ils se sont évanouis. Les Louisville Horror. Donc le héros de Louisville. En a fait un article, un journal au Canada a titré une lumière mystique est apparue au-dessus d'un prédicateur baptiste tandis qu'il baptise. Donc, le frère Daniel Chiron, dans son livre ici, William Branham, un grand trésor dans un vase de terre. Daniel Namukanda Oyo, Yabiangete, William Branham. Dans le style de rédaction, souvent il prenait les phrases de frère Branham, il agençait ça pour donner un sens, mais en prenant ici, en prenant là-bas, en prenant ici. Et c'est comme ça qu'il a rapporté presque la vie de frère Branham, faisant parler plus frère Branham lui-même. Il en a lui-même fait de commentaires. Maintenant, avant lui, il y a eu un autre frère dont vous avez certainement déjà entendu le nom, parler du nom. C'est le frère Peregrine. Un autre prédicateur américain. Contemporain du prophète William Branham. Lui a rédigé un livre intitulé Les Actes du prophète. Et en son sixième point, il a intitulé 1933. Dans son livre Les Actes du prophète. Il dit, le titre de ce chapitre sera l'année 1933. Mais j'aimerais commencer par lire les actes dans le chapitre 9 du livre des actes. Je vais rappeler l'expérience de Saul sur le, de Paul sur le chemin de Damas. Il a montré qu'une lumière a parlé à Paul. Et son intention est de démontrer que la même lumière a parlé à Paul. Alors, je vais faire un peu là, parce que nous sommes dans une prédication. Ce n'est pas l'exposé devant des pasteurs et des prédicateurs pour que nous puissions aller dans tous les détails. Il dit que cela parlait à Paul. Mais Paul reconnut ceci comme étant Dieu. Et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et alors Jésus lui parla et dit, Jésus, que tu persécutes. Vous connaissez l'événement biblique, en fait. Plutôt que d'accepter la tradition de leur église. Tous ceux qui voudraient s'appuyer sur l'autorité des Écritures, pour la révélation de la divinité. Nous voyons la preuve que Jésus-Christ du Nouveau Testament est Jéhovah Dieu de l'Ancien Testament. Il dit maintenant ceci. Le frère Peregrine. Maintenant, je cite cet incident des Écritures pour montrer que l'intelligence charnelle est souvent en désaccord avec les événements. Il dit aussi, quand je raconte ce qui s'est passé le 11 juin 1933, ceux qui sont spirituels comprendront qu'il n'y a pas de désaccord dans les histoires qu'ils peuvent avoir entendues et qu'il leur paraîtrait en conflit avec ce que leurs oreilles ont entendu et celle qui est advenue à Paul et qui est raconté par l'auteur du livre des Actes. Le 11 juin 1933, notre frère William Branham, que nous avons déclaré dans son livre, est le prophète de Dieu pour l'âge de l'Odyssée, avec l'esprit d'Élie sur lui, accomplissant les versets de l'Exode où le prophète Malachie dit que avant la venue de ce jour grand et terrible du Seigneur, je vous enverrai Élie le prophète. Et donc Jésus-Christ lui-même parla à Matthieu 17, verset 11. Disant à ses disciples, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et sachant que Jean-Baptiste n'a pas rétabli toutes choses. Et qu'il n'y a pas eu non plus au jour des gens, des jours grands et terribles du Seigneur. Sachant qu'une promesse disait que quand le septième messager, ange sonnerait, des mystères prendraient fin. Je saute encore là. Nous désirons que vous sachiez quand a commencé son ministère. Ça c'est frère Peregrine. Dans son livre, c'est pas un rêve, il raconte ce que lui connaît. Il dit, alors, dit, nous désirons que vous sachiez quand a commencé son ministère. Et c'était en ces jours du 11 juin 1933. Après une réunion pleine de succès dans la ville de Jeffersonville. Il était né dans la rivière Ohio. Au bout de Spring Street. Une étrange lumière comme une étoile, un ciel en tourbillonnant, et s'est suspendu au-dessus de sa tête. Sur les rives, de nombreux spectateurs la vivent. Pris de peur, certains s'enfuirent et d'autres tombèrent et adoraient. Et quelqu'un vient dire, que signifie ceci? Voilà. Là, c'est le frère Peregrine. Quand on avance plus loin dans son livre, il dit ici, exactement comme Dieu avait révélé à Daniel les choses qui arriveraient de son époque à la fin des temps. Et si en fut-il en cette année 1933, au mois de juin, quand frère Branham dirigeait des réunions dans les Masonic Hall de Merck's Avenue et que cet événement important lui fut révélé, événement qui devait se passer avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était un matin de juin. Juste avant qu'il n'aille enseigner dans une classe d'école le dimanche. Et que ces séries de visions lui apparurent tandis qu'il était en transe. Le témoignage de frère Peregrine, il concorde presque à tout le point avec celui de frère Owen Jorgensen. Mais le problème, que frère Owen a précisé que les sept visions ont précédé les deux semaines de réunion de réveil. Et frère Peregrine lui dit, c'est quand frère Branham tenait ces réunions-là qu'il a eu ça un dimanche matin. Donnant l'impression que cette vision pouvait avoir été vue soit le dimanche 11 juin, c'est le point de désaccord. Or, dans la proclamation du message biblique du temps de la fin, après la mort des prophètes en décembre 1965, un coup de grâce avait frappé tous les frères du message. Le choc était énorme. Les gens ne voulaient plus, n'avaient pas le courage de parler du message. Même pour enterrer les prophètes, ils ont pris plusieurs mois. Ils étaient déboussolés. Mais le frère Evald Frank d'Allemagne, parmi ceux qui étaient aussi choqués, est allé s'associer avec au mois d'avril 1966. Ils se sont encouragés à organiser l'enterrement du prophète. Que pendant les 4 mois là, les frères américains continuaient à chanter la chanson Crois seulement, parce que frère Branham leur avait dit que si quelque chose m'arrive, chantez seulement Crois seulement et je vais revenir. Alors ils ont chanté Crois seulement pendant des mois et des mois. Je n'ai vu aucune référence là où frère Branham aurait dit ça. Mais eux, ils l'ont fait. Donc, au mois d'avril, à la période de la fête de Pâques, ils ont fait le voyage aussi là-bas, ils se sont organisés, ils sont enterrés. Après ça, frère Val de Franck a pris frère Pérégrine comme compagnon et témoin oculaire du ministère des prophètes. Nabongo na sima ndeko Frank azuaki ndeko Pérégrine lokola mutatoli oyo azalaki tango nyonso na lotomo oyo. Ils organisaient des campagnes d'évangélisation ça et là. Et c'est bazali kobongisa ka minulu ya kopana. Tenez des réunions, tenez des émissions. Et c'est ko sala matuka. Et la plupart des temps, frère Frank tenait la prédication, lui prêche. Et c'est tango wana ndeko Frank azali ko. Il passait un temps d'antenne, un espace le micro à frère Pérégrine pour qu'il donne des témoignages frère comme un témoin oculaire de ce qu'il a vécu lui-même dans le ministère de Frère Branham. Et plusieurs personnes ont cru comme ça au début. C'est comme ça que les assemblées naissaient. Mais il y a un autre temps où il y a un autre temps où il y a un autre temps où il y a un autre temps où il y a un autre temps où il y a un autre temps où il y a un autre temps où il y a un autre temps où il y a un Que peut-il dire d'autre que ce qu'il pouvait avoir entendu de ce qui était là-bas? Au sujet de la date de la commission des prophètes. Alors, dans sa lettre circulaire de juin 1973, à la page 5, écoutez ce qu'il écrivait. Juin 1973. Je ne pense pas qu'il y a 5 personnes qui étaient déjà nées ici. Ah non, c'est ce que j'ai dit. Et je voulais dire que la majorité d'entre vous ici, vous n'étiez pas encore nés. Bon nombre là. Mais il écrivait ceci. Comme le son d'une puissante trompette, le message du temps de la fin a retenti par-dessus tous les continents jusqu'aux extrémités de la terre. Le 11 juin 1973, il y aura 40 ans que le Dieu Tout-Puissant a envoyé son serviteur, le prophète William Branham. En lui disant du sein de la colonne de feu, de même que Jean-Baptiste est envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, et si tu es envoyé avec un message avant sa seconde venue. Il dit que le 11 juin 1973, ça va totaliser 40 ans. Donc, pour lui, frère Val de Franck, comme il avait frère Pérégrine comme compagnon, l'événement là, la commission, ne devait avoir eu lieu que le 11 juin 1933. Le témoin oculaire, c'était frère Pérégrine. Bien que frère Pérégrine était contemporain du ministère de frère Branham, mais frère Branham ne l'a jamais cité parmi ceux qui étaient présents le jour où la commission fut prononcée. On ne sait pas exactement en quelle année lui a cru aussi au message. Il est témoin du ministère des prophètes. Mais nous n'avons rien comme assurance qu'il était témoin oculaire en juin 1933. Il aurait été présent. Voyez, que Dieu soit miséricordieux. Alors, je prends dans la lettre circulaire 29 du mois de juin 1983. Frère Val Franck toujours. À la page 8e. Suivant. Frère Franck, si j'ai bonne mémoire, était né en 1932. so kingai na banzi malam moko Frank abotamaki na mbuya mkoto moko kama libo 33 na mibali. Et donc quand Frère Branham expérimentait la commission là, quand on découvre Branham ça comme c'est la cas Frère Frank c'était un petit enfant de 10 années. Elle a une moko moko na mbuya moko ne connaissant rien du tout. Êtes-vous là? Vous allez là? Ok. Donc, on ne peut pas dire de lui qu'il était mort, qu'il est, en 1933, qu'il était là. Non. C'était un gamin, un petit Allemand, qui s'est perdu là-bas dans sa famille. Oui. Inconnu complètement du prophète Branham. Et Alors, dans cette lettre circulaire de juin 1983, sous le titre événement particulier. Donc, parce que là, quand en juin 1983, lui aussi avait quand même déjà de l'âge, non? Il avait quel âge? Quand, admettons qu'il est né en 1932. Hein? Et 32 à... À 51 ans. Tout un papa. Expérimenté. L'enfant Branham n'était plus en vie. Il écrit les événements particuliers. Certainement, comme il n'avait qu'une année, ce n'est pas des événements donc, que lui connaissait, a vécu dans l'âge de maturité, mais c'est des choses qu'il a aussi consolidées, qu'il a lues de cette année-là. Ils allaient être le col à Macambongo et Salamangi dans Mobu et en Koto Mokamba le Batu Misato, mais ça tient à Mobu Moko. Ils allaient Macambo et Abikela qui était cassé. Oui, il fait attendre toi à Yokaki dans Batu Koko. Alors, il parle des différents événements particuliers liés à l'année 1933. Ils allaient Korobaka dans Tina Macambo Moko et à l'Ongana et Ango Penza et Salamangi dans Mobu et en Koto Mokamba le Batu Misato. Il écrit ceci. Le développement mondial d'aujourd'hui montre à différents niveaux les parallèles de ce qui est arrivé il y a 50 ans. Et c'est pour que les gens ne soient pas bimba. Et c'est pour que les gens ne soient pas bimba. Et c'est pour que les gens ne soient pas bimba. En ce temps-là, il y a eu des crises économiques avec leurs répercussions sur l'humanité. Et c'est pour que les gens ne soient pas bimba. Et c'est pour que les gens ne soient pas bimba. En novembre 1932, Franklin Roosevelt, qui avait imprégné toute la campagne électorale de son idée de. The New Deal. Et oh, il a continué qui n'a mis lui na bango ya kologete ponangai ponangai. Fut élu président des États-Unis. Oui, bah ponaki epe mokonzi na mboka na États-Unis. Il avait promis d'énormes améliorations allant même jusqu'à l'essor économique. Et à la kaki mingi et makamu na kobongi sekino et makita na bango kenda liboso. Et le 4 mars 1933. Na mukolo ya 1933 mbuya kote. Il lui remit la direction des affaires d'État détenue par le président Robert Robert. Et ma pechie kokamba mboka oyo mokonzi Robert. Il avait été en fonction jusqu'à ce jour-là. Oya zalaki kosalaka kino na mukolo wana. Dans le même temps en Europe. Au point culminant de la crise économique, l'aiguillage se mettait en place pour un tragique développement. Le 30 janvier 1933, Heidelberg transmettait le pouvoir à Hitler. Le 27 février 1933, le Reichstag à Berlin était en flamme. Le 5 mars 1933, le Parti National Socialiste sortait vainqueur des élections. Et en ce temps-là, on commença à développer des plans préparés depuis longtemps. Et bientôt commença la plus terrible persécution qui ait jamais eu lieu contre les Juifs. Cependant, ce n'est pas seulement dans les domaines terrestres que l'on trouve des parallèles, mais aussi dans les domaines spirituels. Où l'on découvre des événements de grande importance pour le peuple de Dieu. Il le répète encore ici. Le 11 juin 1933, vers 14h, le Seigneur vint. Alors que Frère Branham tenait à Jeffersonville, États-Unis d'Amérique, un service de baptême. Il descendit sur lui dans une colonne de nuée. Et lui donna la mission d'aller avec un message afin de préparer la seconde venue de Christ. Père, pèse qui est Moussala ya kokende na sangomo ko na tinete ya bom sebo ya mi balé na Christ. Bien aimés frères et sœurs. Balin na mi bande ko mi balé pepasi. Vous avez là quelques grands écrivains. Vous allez na na ba komi moko ya mo minene. Et ceux qui nous ont rapporté les événements. Oui, ba mais ni biso makamu nenge salamaki. En accord avec 1933 et le ministère de Frère Branham. Na kolandela ka na bomoko na mobu oya koto moko kamali wotu. Prenez les témoignages de tous les rapports. Les biographistes. Il donne quelle date? Tous sont unanimes, le 11 juin. Maintenant, il se fait que devant vous, nous avons exposé les paroles du prophète lui-même. Et un de biographiste. Il a donné un peu plus de détails sur les événements environnant le réveil, le premier réveil qu'avait tenu le prophète en 1933. Sur la durée de réunion de réveil, le chapiteau qui avait été loué. Et comment les sept visions sont venues? Et par la suite, comment le réveil, le premier réveil, s'est terminé? Ok. Si nous admettons la date du 11 juin, alors le réunion de réveil n'avait fait qu'une semaine. Et que ceux qui disent que c'était des semaines, ils ont menti. Mais si nous admettons la date du prophète, du 18 juin, c'est qu'alors les réunions de réveil, on dirait effectivement deux semaines. Et nous découvrons par là la date à laquelle les sept visions prophétiques du temps de la fin ont été vues par les prophètes. Le dimanche 4 juin 1930. Ya mukolo zomi na mombe sanza ya motoba ndeko pesa kisonzelete to yeba na sikisiki ete bimono meli oyo sambo musakola mwaraki ezaki ndena mukolo ya mine sanza motoba sanza ya motoba mubi ya koto mkoka mali boti mwana lopa soumetre sa au vote ki son pour ki son contre tukono na fete baveni ba mbini ba hoi ba gulu nous vous avons exposé le fait. Pour que personne ne vienne dire frère David est maître différent des autres, il veut seulement créer des problèmes. Où se trouvent les problèmes? Le message est simple. Sango ezali pete. Ezali te totali sibino bobele ninga makambu ukomami elubami esalami. Ezali te kolokete o ndeko dawe liye alinga bobele cha mitali sete ya kesen na bamususu. Si vous avez des autres choses, amenez-nous. Amen. So kubino bodana o mususu. Libanda na o biso tolobi. D'où avez-vous tiré la date du 11 juin? Lobele biso bukolomine. Vous nous avez raconté ça, nous vous avons cru pendant beaucoup d'années. Pouvons-nous être d'accord avec la vérité? Amen. Alors, on a parlé des rébellions. Il veut commencer la rébellion. Tout le monde connaît comme ça. Dans le monde, tout le monde peut. Nous aussi, on connaissait comme ça. Nous avons même des preuves historiques et tout ça. Mais si nous nous arrêtons un moment, c'est que Dieu fait nous apprendre quelque chose. Et si nous apprend quelque chose, nous lui sommes reconnaissants. C'est amen. J'espère que personne ne sera dérangé. Comme il y a fait de la vie, il y a pas de doctrine, il y a pas de doctrine ni. Dites la vérité telle qu'elle doit être. Amen. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens qui deviennent esclaves de leur passé. Parce qu'il a déjà dit ça comme ça, aussi je change, qu'est-ce que les gens vont penser? Nous sommes chrétiens! Amen, amen. Frère, si amen. J'étais en erreur, je vais persister dans l'erreur parce que j'avais déjà dit l'erreur. C'est quoi ça? La bonne mort, quand vous voulez être battu sous. Oui, c'est ça, la Sony. Le père a dit que Robert est battu sous les mains. Mais frère, revenez à la vérité. Amen. J'en ai dit la salle. Sauf que vous avez dit la libumba. Vous voyez, pas salon. De tous ceux-là qui ont écrit et raconté, qui était là en 1933? Frère Branham. C'est frère Branham qui était là. Lui dit qu'il a pris des notes. Et il nous donne ces dates, de sorte que la estimation, le 15, nous avons vu pourquoi. Mais à la fin, c'est le 18 juin. Amen. Oh mes amis. La bonne d'abord, nous sommes comme moi. Nani oyo ebana kete na mukolo oyo muzoto ngo kitaki na mukolo libati si bazalaki na ebale ya oyo mukote ekonomi bobele ndoko barana mu yimu kundi azala atako banda ko beta munoko ezaki na katikati ya mikolo boyo nabo suka na suka lobi mukolo ya zomi na mwambe et ça que si il ne fallait même pas lire un seul livre de tous les biographistes, les historiens, les témoins, ceci, s'il ne fallait prendre que le message seul, la date du 11 juin n'existerait même pas dans le milieu du message. Amen. Ça n'existerait même pas. Ce qui est à la tête, c'est autant que tu m'as dit, « Batu oyo, ma kominde, ma botami, mi sala sala ki mata toli bo na boye. » Kasi koti kanyo soana, ce qui peut vous dire, « Misango oye moko mo sakolye teyi. » Ata esika moko te oko mwana oye alobori mokolo zo mina moko. Sanza motoba. Mubu ya koto moko kamami. Alors, si nos frères disent ça, nous les comprenons. N'est-ce pas? Oui. Mais au moins, vous en savez plus à ce sujet. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Nous n'aimons pas de polémique. Nous croyons la vérité tout simplement et nous avançons. Dans Philippiens au chapitre 3, le verset 15 et 16, la Bible dit ceci, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Qu'est-ce qui devrait être un même pas? De prendre la voix de la majorité? La popularité dans le monde entier, tous les gens que c'est le 11 juin. Vous allez sacrifier et dire que Branham a menti et tous ces témoins ont dit vrai. Non. Les mêmes ont pas devraient être le 18 juin. Ah. Amen. Amen. Amen. Je suis désolé. Hein? Je suis désolé que l'église de Dieu aussi me pardonne. Amen. Moi j'ai fait aussi confiance aux autres et nous sommes tous embarqués dedans. Et pas moi, si. Et vous. Et ça n'a pas si, la comama na batinyo sa ba ko lobaka. Na kopi na likambongo na ngai na bino. Et bongo ko salani. Ne dites pas bongo ko salani. Mes chers amis. La vérité reste la vérité. Solo et tout la solo. La vérité reste la vérité solo. En détail. Amen. Solo et votre gala vous bénissez solo. Les jours? Les 18 juin quoi? Le 18 juin 1933. D'après moi, le problème est résolu. Il n'y a plus de doute ni d'hésitation. Ponangai de Kambo ici Luana. Tembeto Koloba Souvenir Zati. Quelles sont les preuves en faveur? Premièrement, c'est la date qu'avance le prophète lui-même. C'est lui qui a vécu l'événement et la commission lui était adressée à lui. Personne d'autre ne peut mieux comprendre cela que lui-même. Deuxième élément, quand frère Owen Jorgensen écrit comme il a écrit là, il a donné les détails autour du réveil, le premier réveil qui avait été fait. Il montre bien que c'était deux semaines plus tard. Mais le tout est consigné au mois de juin. Historiquement, il n'y a pas moyen de changer de dimanche là-bas. Le premier dimanche était le 4 juin. Le deuxième dimanche, 11 juin. Le troisième dimanche qui faisait les deux semaines après le début du mois, c'était le 18 juin. Donc si on trouvera plus un jour. Je n'aurai pas de problème. Mais pour le moment, le pas qui est visible, hein, c'est le 18 juin. Qui dit amen? C'est à prendre ou à laisser. Ou bien tu sais que la commission, là, ce n'est pas une commission inexistante, c'est une commission effective. Et là, il y a un jour, à une heure précise, une date, un mois, une année donnée. Que Dieu nous pardonne. Beaucoup d'années comme ça. Moi j'ai été baptisé le 2 juin 1991. C'était aussi un dimanche. Voyez tous ces temps dans la foi au message, je connaissais toujours le 11 juin. C'était inculqué à nous là. Tous les vétérans, les anciens, ils parlent du 11 juin. Ils ont posé même les actes en accord. Ah non frère. C'est aussi tobi mi l'église catholique, hein. Balobi ke basango kakande babane pour détenir la vérité. Awa vérité za libre. Amen. Nous pouvons méditer, examiner. Dieu peut nous conduire, nous avons confiance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez aimé? Amen. Nana, yo ki moto passe. Pas un doigt. Nous sommes désolés pour tout ce qui est arrivé, mais nous sommes dans une marche. Il est important, Dieu nous aidera. Ce qui est important, lui-même sait pourquoi il nous a attirés là-bas. Après autant d'années et même dans le ministère. C'est regrettable. Hein? C'est pour ça qu'on dit il faut avoir des preuves. Nous ne voulons rien bouleverser, ni de la foi des gens, ni des croyances des gens. Mais quand une chose n'est pas très exactement correcte, même si il est devenu une tradition qu'on raconte d'année en année, et nous avons le courage de nous lever et dire « nous avions tort ». C'est chrétien. L'histoire, on ne va pas la changer. Mais nous avions tort. Le message est clair. Puisse Dieu nous pardonner. Nous sommes désolés de ça. Mais que Dieu nous aide pas à pas. Et marcher toujours de vérité en vérité. Et amen. Et vraiment amen. C'est comme ça que dans beaucoup de choses, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il y a des choses qui sillonnent avec des vagues de pression. Et que les gens croient comme étant des vérités. Quand vous vérifiez finalement, ce n'est pas le message original. Le diable combat terriblement son message. Il y a beaucoup de choses dans les milieux de messages qui sont fausses. Et des fois, les autres dehors nous prennent comme moins sérieux. À cause de laisser aller des certains entre nous. Ayons le courage de croire la vérité et d'y revenir quand il est faux. Tenons-nous debout pour la prière. Yeso na maki la na yo petola petola motemananga ankala la bula ngai peli susu kala olingi kosu kolanda Anatamole, Mamoudika Kase, kase, o kyeye, kaye mesu Akotalat, lanaye, omamamu Omala, unamawa, maika

Zambe azalende mokambi na biso. Confie-toi en lui plus qu'à l'homme. L'homme est faillible, il est menteur. L'homme est négligent, il fait des loupés. Dieu seul est la vérité absolue. Au fil des temps, ta parole est éprouvée. Irrévocable. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce soir et demandons pardon pour toutes nos fautes, nos erreurs dont d'autres ont été commises par inconscience, par ignorance ou par excès de confiance. Aïe pitié de nous, Seigneur. Lave-nous dans le sang de Jésus-Christ. Nous sommes des enfants qui voulons apprendre et marcher à la lumière du jour. Dans un passé récent, nous avons marché avec la batterie 11 juin. Aussi sincère que nous l'étions. Sachant que c'était la lumière du jour. Et voilà que Seigneur, tu viens de nous faire montrer quelque chose ici. Un détail non négligeable. Parce que pour un événement aussi important, nous ne devons pas marcher avec une fausse date. Car chaque fois que nous allons témoigner d'une fausse date, même toi Dieu là au ciel, tu seras mécontent de ce que nous donnons un faux témoignage qui allait faire l'histoire. Nous ne pouvons pas falsifier l'histoire. Mais il faut garder la vérité. Du mieux qu'elle nous révèle. À ce jour, nous avons tenu pour lumière ce que ton prophète a dit. La date du 18 juin. Laisse-nous marcher d'après cela. Pardonne toutes nos fautes du passé. Où nous avons considéré une autre date. Mais Dieu est celui qui sait tout. Il y a mieux que ce que nous connaissons. Mais nous voulons les savoir. Mais en attendant, nous prenons d'abord ce qui est clairement établi. Comme tu avais montré par ton messager, je pouvais voir un homme dont il éprouvait qu'il a tort, qui peut s'avancer, admettre qu'il a tort. Il veut être un chrétien. C'est du christianisme à l'enseignement. Nous ne voulons pas demeurer dans les fautes et les fausses quelle que soit les réputations. Mais nous voulons la vérité confirmée. Point par point, Seigneur. La parole est vraie à tous égards. Conduis ton église. Assiste-nous en profondeur pour une délivrance totale dans chaque bataille que nous avons à livrer. Soutiens toute l'église pour ça le monde entier. Qu'elle marche vraiment à la lumière de ta vérité. Que nous sortions davantage de toutes les confusions, toutes les paroles non confirmées. Nous avons le devoir de croire que la parole confirmée. Merci pour ta vérité. Il dit que examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est au pas que nous marchons. Quand quelque chose est apparu clairement, nous retenons cela. Loin de nous, l'esprit de négligence, de laisser aller. Vous voudrez minimiser tout cela pour nous maintenir dans des erreurs et que le diable se moque de nous. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons être une église sans tâche, ne ride, ne rien de semblable, même face à l'accusateur de Satan. Assiste chacun de nous et donne-nous des forces nouvelles dans ces voyages. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse.